La belle Madame Denise par Hector Malot. Chapitre 1er. C'est dans la vie d'une jeune fille un moment décisif que celui où, faisant acte de volonté sérieuse pour la première fois, elle va se mettre en opposition déclarée avec sa famille. Ce moment était arrivé pour Marthe Denis. On voulait la marier, et l'homme que son père et sa belle-mère acceptaient pour gendre n'était pas celui qu'elle aimait. Comment ses parents s'étaient-ils laissés prendre par les intrigues du vicomte de Saint-Austrebert, elle ne le savait pas au juste, et il lui était impossible de deviner par quel sentier détourné Saint-Austrebert avait cheminé pour approcher son père et sa belle-mère. Mais s'il ne pouvait pas suivre un à un les moyens qu'il avait mis en œuvre avec une habileté effrayante, elle voyait clairement le résultat auquel il était arrivé, et ce résultat, c'était son mariage arrangé et conclu malgré elle. Auprès de son père, Saint-Austrebert avait sans doute fait agir l'influence politique, et s'appuyant sur la faveur certaine de la cour et du gouvernement, disposant du préfet qui n'était entre ses mains qu'un instrument docile, il avait gagné M. Denis en lui assurant la députation, puis par des cajoleries, des roueries, l'adresse, le mensonge, l'hypocrisie, il avait achevé de le circonvenir et de le dominer. Chez sa belle-mère, c'était le même moyen qui très probablement avait agi. Pourquoi Madame Denis n'aurait-elle pas été sensible à l'ambition? Bordeaux l'ennuyait. Elle avait dû se laisser toucher par la perspective d'aller vivre à Paris. Avec la grande fortune de M. Denis, il y avait, pour une femme comme elle, belle, intelligente et orgueilleuse, un rôle à jouer dans le monde parisien. Son mari, député demain, pouvait être ministre un jour. Si ce miroir magique avait été adroitement manœuvré devant ses yeux par Saint-Austrebert, il l'avait certainement ébloui et entraîné. En tout cas, que ce fût ses raisons, ou bien que s'en fussent d'autres, qu'elle ne connaissait pas, peu importait, le fait grave, c'était que la demande en mariage de Saint-Austrebert eût été approuvée. C'était là le terrible et l'effrayant. Ce qui rendait cette situation plus douloureuse encore, et ce qui, pour beaucoup, contribuait à augmenter le trouble d'idées et l'angoisse de Marthe, c'était l'absence de Philippe Herrem. Philippe à Bordeaux, elle lui prit courage, car elle lui avertit du danger qui menaçait leur amour, et il fut venu à son aide, il l'eût soutenu, conseillé, guidé. Alors que son père lui avait parlé des projets de Saint-Austrebert et de sa demande en mariage, elle avait voulu lui avouer la vérité. Le premier mot qui lui était venu aux lèvres avait été « J'aime Philippe, je ne peux pas être la femme de monsieur de Saint-Austrebert ». Et si elle n'avait point obéi à cette inspiration, ça avait été pour respecter la volonté de son amant. Elle avait confiance en lui. Il connaissait la vie et le monde qu'elle-même connaissait si peu, elle avait la foi en son amant, elle avait imposé silence à sa propre conscience et renfermé le secret que Philippe lui avait demandé de garder. Ce furent pour elle des jours cruels que ceux qui s'écoulèrent lentement à la suite de cet entretien avec son père. Elle était désorientée, sans direction, sans boussole après le coup de foudre qui s'était abattu sur elle. Que faire? Se défendre? Mais comment? Et que dire? Enfin, après avoir longtemps cherché et hésité, elle se décida à prévenir Philippe pour qu'il revînt d'Espagne. Saint-Austrebert, appuyé par M. et Mme Denis, allait arriver d'un jour à l'autre à Châteaupignon. Il allait parler. Que devrait-elle répondre? Cette réponse, c'était à Philippe de la dicter. Cette résolution prise, elle ne se laissa pas arrêter par l'embarras d'écrire pour la première fois à celui qu'elle aimait. Quelques mots suffisaient d'ailleurs. « Revenez en toute hâte. Ne sommes menacés par celui que vous redoutiez. » Et bravement, elle mit son nom, Marthe Denis, au-dessous de ces deux lignes. Mais cette lettre écrite, tout n'était pas fini. Il fallait la jeter à la poste, et c'était là pour elle une difficulté assez délicate à résoudre, car il n'était pas d'usage au château qu'elle portât elle-même ses lettres à la boîte. Elle annonça à sa belle-mère qu'elle partait pour une promenade sur la Gironde, et ayant fait chauffer la mésange, elle alla jusqu'à Blaye, où elle descendit à terre, et put ainsi mettre sa lettre à la poste sans éveiller les soupçons. Alors elle attendit avec un peu plus de calme. Décidée à engager la lutte, elle savait qu'elle ne serait pas seule à la soutenir. Mais les jours succédèrent aux jours sans que Philippe revînt, et bientôt l'inquiétude la reprit, d'autant plus vive et plus cruelle qu'elle succédait à un moment d'espérance. Pourquoi n'arrivait-il pas? Ou bien la lettre ne lui était pas parvenue, ou bien il était malade. C'est-à-dire que dans l'un comme dans l'autre cas, elle n'avait pas de secours à attendre, et le moment approchait où il allait falloir se prononcer formellement. Chaque matin, elle se disait « c'est pour aujourd'hui », et le soir, elle se disait « c'est pour demain ». Enfin, ce demain, si souvent retardé, arriva, et à la façon dont son père l'embrassa en rentrant un soir au château, elle sentit qu'elle devait se préparer. En effet, M. Denis, profitant d'un moment où Mme Denis les avait quittés pour donner un ordre, lui annonça qu'il avait reçu sur Saint-Austrebert les renseignements qu'il avait demandés, et que ces renseignements étaient tels qu'il avait invité celui-ci à venir passer la journée du lendemain à Châteaupignon. « Je compte que tu te conduiras avec lui en personne raisonnable, dit-il, et non en enfant. Les sentiments que m'inspire M. de Saint-Austrebert n'ont pas changé. C'est pour qu'il change que je l'ai précisément invité. Tu me parleras de lui quand tu auras appris à le connaître. Mais, mon bon père, je n'entendrai rien avant que tu saches ce que tu dis. Nous aurons aussi demain Philippe Herrem. Il arrive d'Espagne. Je l'ai vu au moment où je montais en voiture. Philippe, Philippe à Bordeaux. » Elle oublia presque Saint-Austrebert. Lequel arriverait le lendemain, le premier, à Châteaupignon? La question pour Marthe était poignante. Aussi, dès le matin, se posta-t-elle à sa fenêtre, explorant la route de Bordeaux avec une lorgnette. Si elle n'espérait pas reconnaître les personnes, elle était certaine de ne pas se tromper à la vue de l'équipage. Saint-Austrebert arriverait dans la calèche préfectorale. Philippe, comme à son ordinaire, dans une modeste voiture de louage. Bien des fois, son cœur battit, car bien des fois, des petits nuages de poussière s'élevèrent sur la route, indiquant l'approche d'une voiture. Mais ces voitures, continuant leur route vers Pressac, ne tournèrent point au chemin qui se détache de la grande route pour venir au château. Enfin, vers 10h30, une voiture qui roulait rapidement prit ce chemin. C'était un panier, traîné par un seul cheval et conduit par un cocher en chapeau de paille. Philippe arrivait le premier. Marthe n'avait pas l'intention de l'attendre tranquillement dans le salon. Elle descendit vivement dans le jardin, et prenant par le sentier qui coupa à travers les pelouses, elle alla se placer à l'un des tournants de la route, de manière à arrêter la voiture au passage. En l'apercevant, Philippe sauta à terre, et ayant renvoyé son cocher à Pressac, il courut à elle. « Vous êtes ici, dit-il, chère Marthe. Cela encore après votre lettre, que vous êtes bonne. Vous l'avez reçue, ma lettre. La voici, dit-il en la lui tendant. Mais elle ne la prit pas. « Elle est à vous, » dit-elle. « C'est il y a 3 jours seulement que je l'ai reçue. On a couru après moi dans la montagne, je suis parti aussitôt, et j'ai voyagé sans m'arrêter une minute. Que se passe-t-il ? Parlons en marchant. » « Alors marchons doucement. » « Aussi doucement que vous voudrez. Croyez bien que vous ne pouvez pas avoir plus de bonheur à être avec moi que je n'en ai à être avec vous. J'ai passé, en vous attendant, par des angoisses que vous ne connaissez pas. » Alors elle lui raconta les événements qui s'étaient accomplis depuis son départ, la demande de Saint-Austrebert et l'entretien qu'elle avait eu avec son père. « Vous n'avez pas dit que nous nous aimions ? Je le voulais, mais je n'ai pas osé. Je n'avais pas oublié vos paroles. Elles ont retenu l'aveu qui 20 fois est venu sur mes lèvres. Ai-je eu tort ? Peut-être eût-il mieux valu dire la vérité, mais j'avoue que je n'en sais rien. Si M. Denis s'en était fâché, nous aurions été séparés. Tandis que nous sommes deux maintenant pour lutter, et nous lutterons. Il n'y a qu'à faire connaître M. de Saint-Austrebert à M. Denis. Mais mon père le connaît. Il a demandé sur lui les renseignements qui ont été favorables. M. de Saint-Austrebert doit venir passer la journée d'aujourd'hui avec nous. Il reviendra demain peut-être, après-demain, tous les jours. M. Denis a été trompé. Que savez-vous sur M. de Saint-Austrebert ? C'est un aventurier vivant d'intrigues, de jeux, et peut-être de pire encore. Vous savez que mon père n'écoute pas les peut-être, mais les faits certains et précis. Nous chercherons, nous trouverons. Monsieur de Saint-Austrebert a une réputation détestable, et il est impossible que cette réputation ne soit pas basée sur des faits. Son père ne vaut pas mieux que lui. Il a 100 fois déshonoré son nom dans les affaires scandaleuses, sa main dans toutes les grandes voleries qui se sont organisées depuis 12 ou 15 ans. C'est le type du chevalier d'industrie, et il faut le gouvernement que nous avons pour qu'il soit général. Votre haine contre le gouvernement ne vous trompe-t-elle pas? Si M. de Saint-Austrebert était dans un autre parti, aurait-il les mêmes défauts à vos yeux? Je ne dis pas que tous ceux qui dirigent ce parti sont des gredins, mais je soutiens que les gredins se tournent volontiers vers ce parti parce qu'ils savent trouver avec lui des facilités de s'enrichir qu'ils ne rencontreraient pas avec un autre gouvernement. C'est là le cas du général de Saint-Austrebert, qui s'est attaché à l'Empire parce que l'Empire lui offrait les moyens de satisfaire commodément ses appétits et ses besoins. Enfin, quoi qu'il en puisse être, il y a pour le moment un fait qui nous menace et contre lequel il faut nous défendre tout de suite. D'une minute à l'autre, M. de Saint-Austreberte peut arriver. Que faire ? Philippe fit un geste que Marthe arrêta. « Si je vous ai parlé en toute franchise, dit-elle, c'est que je vous ai jugé assez sage pour ne pas vous laisser emporter par la colère. Pour moi, pour notre amour, il ne doit rien se passer entre M. de Saint-Austreberte et vous. Apprenez sur M. de Saint-Austreberte tout ce que vous pourrez. Prouvez à mon père que c'est un misérable. Cela sera parfait, mais il me semble que c'est tout ce que vous pouvez faire pour me défendre. Si quelqu'un doit parler à M. de Saint-Austreberte, c'est moi, moi seul, et je lui parlerai, aujourd'hui même. Vous, Marthe, devant moi ? Oui, devant vous. Et c'est parce que vous serez là que j'aurai la force de le faire. Si vous souffrez de voir M. de Saint-Austreberte près de moi, soyez persuadé que je ne souffrirai pas moins que vous d'être obligé de le supporter. Mais je crois qu'il faut que je lui parle. Il faut qu'il sache que je ne l'aimerai jamais, qu'il ne m'épousera jamais. Cela, je veux le lui dire, et je le lui dirai. Si j'attendais votre retour avec tant d'angoisse, ce n'était pas parce que je manquais de courage pour me défendre, mais c'était parce que je ne savais pas comment me défendre. Je ne savais pas ce que je pouvais dire et ce que je devais cacher. Maintenant que je n'ai plus peur de faire quelque chose contre votre volonté, laissez-moi agir pour moi, tandis que de votre côté, vous agirez vous-même. » Si lentement qu'ils eussent marché, ils étaient arrivés au bout du chemin, c'est-à-dire sur l'esplanade qui s'étend devant le château. On pouvait les voir, peut-être même pouvait-on les entendre. « Quoi qu'il arrive, dit-elle en baissant la voix, je vais vous répéter en ce moment ce que je vous ai dit la dernière fois que nous nous sommes vus dans le kiosque. Je ne serai jamais la femme d'un autre que vous, et je vous aimerai toujours, toujours. Voici ma belle-mère, allez la saluer, et soyez aimable avec elle. Que personne ne puisse se douter que vous savez que M. de Saint-Austreberte a demandé ma main. » Puis, haussant la voix, « Ainsi vous êtes venu de Madrid en 24 heures ?